Ndikobanyanga. Le duo Noëlla et François sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganiro, à ce journal, édition de la mi-journée de ce vendredi 7 septembre 2018, dont voici d'abord les principaux titres. Rafle des machines à coudre dans la matinée de ce vendredi sur l'avenue de l'Amitié. Les propriétaires indiquent ne pas savoir pourquoi, mais la police qui a effectué cette rafle fait savoir que cette activité s'inscrit dans le cadre d'assainir le centre-ville. Les cafés agriculteurs d'Ngozi qui ont vendu leur café à la Sogestal Ngozi disaient être déçus par les responsables de cette société qui n'honorent pas leur promesse en ce qui est paiement de leur argent. Et dans la chronique environnement de ce vendredi, l'on vous parlera de la pollution des eaux du lac, surtout à l'embouchure. Bienvenue dans quelques secondes, c'est le développement de ce titre. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 4 ans viennent de passer après l'assassinat des 3 sœurs italiennes à la paroisse Guido Maria Conforti de Kamenge. C'était le 7 septembre 2014. Différentes personnes ont été interpellées, arrêtées. Nous continuons à chercher le porte-parole de la Cour suprême sur l'état d'avancement de ce dossier. L'inspection générale du travail a convoqué ce vendredi certains des représentants des employés de la société de télécommunication Lumitel. C'est après que ces employés aient entamé un mouvement d'arrêt de travail dès ce jeudi. Dès ce jeudi donc, un service minimum est assuré aux différents bureaux de cette société dans les provinces de Kayanza et Ruigi. Les responsables ont dû défoncer les portes pour accéder au bureau. L'Office des routes compte réhabiliter l'avenue de la jeunesse du quartier Jabé à mairie de Bujumbura à travers le projet du bouchage des nids de poules qui s'observe dans certaines routes de la mairie de Bujumbura. Vincent Nibayubahe, directeur général de l'Office des routes, dit qu'en attendant, une signalisation sera bientôt mise à cet endroit pour limiter les accidents. C'est après que les usagers de cette route se soient lamentés que des accidents se produisent parfois sur cet endroit suite au caniveau de cette route endommagée. On écoute le directeur général de l'Office de route. C'est vrai, je connais la route avenue de la jeunesse qui débouche sur le boulevard du peuple Murundi qui mène vers Jabé et Mutoi jusqu'à Yakabiga. Mais je sais bien que le point critique dont vous parlez, c'est un point qui est né à partir d'un accident d'un véhicule qui a perdu son axe et qui est venu cogner le caniveau. À partir de ce moment, le caniveau a commencé à se dégrader progressivement. Alors pour le moment, il s'observe quand même à un point qui gêne la circulation des biens et des personnes. Alors pour le moment, on peut peut-être mettre une balise comme une signalisation, comme s'il y a un danger, par une buse qui est peinte en rouge blanc, comme d'habitude, c'est comme ça qu'on fait. Et comme ça, les usagers pourront faire attention en descendant ou en montant. Une autre chose, de routine, nous faisons des travaux de bouchage des nids de poules qu'on appelle les pointes à temps. Et ce programme n'est pas encore exécuté. Nous sommes en train de caler des quantités pour que d'ici peu de jours, on puisse publier le marché. Toutefois, je tranquillise tout le monde qui nous écoute. Et que s'ils observent une malfaçon sur une route ou encore quelque chose qui commence à apparaître, il faudra nous saisir à temps parce que plus on traîne, plus le point critique devient gros et plus ce sont les moyens de l'État qui sont mis en cause. Une autre chose, les routes, ce n'est pas des routes d'office des routes parce que vous savez bien que l'État injecte beaucoup d'argent dans les travaux routiers et cet argent est collecté via les taxes, et les taxes sont données par les contribuables, c'est nous, c'est moi, c'est nous tous, les Burundais. Par conséquent, c'est un patrimoine de tout le monde. Pour vous dire que la maintenance et l'entretien revient à tout le monde. La population environnante craigne le pire avec la saison pluvieuse qui s'annonce. Pouvez-vous tranquilliser que vous allez réagir aussitôt possible? C'est vrai, qui dit la pluie dit l'eau. L'eau, c'est le premier ennemi de la route. Et je vous ai dit que bientôt, nous allons lancer un dossier d'appel d'offres pour l'entretien du point à temps. Et on va intégrer ce point sur l'avenue de la jeunesse pour qu'il soit incorporé dans les quantités qui seront exécutées d'ici récemment. Le directeur général de l'Office des routes était au micro de Gertrude Mahonaï. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Un camp réunissant 70 jeunes qui proviennent de différentes provinces du pays, encadrés par les scouts et les guides, se tient à Bujumbura depuis ce lundi où ils reçoivent des enseignements allant dans le sens de la consolidation de la paix. Les participants disent que ce qu'ils ont appris en matière de la communication non violente plutôt leur permettra de promouvoir la tolérance dans leurs milieux respectifs et les détails avec Processus Shingiro. Mener des actions concrètes en vue de contribuer au maintien de la paix figure parmi les objectifs de ce camp, comme l'indique Lorraine Muhimundu, qui fait partie du comité d'organisation de ce camp. Nous avons mené plusieurs activités, des séances de formation, de renforcement des capacités sur les domaines de la consolidation de la paix, donc la résolution basique des conflits, de la communication non violente, les violences basées sur le genre, les différentes maladies qui peuvent perturber la santé de nos jeunes. L'objectif aussi de cette activité, c'était de mener les jeunes que nous encadrons pour justement leur montrer qu'il n'y a pas de différence quand il s'agit de développement, quand il s'agit de maintien de la paix. Un des participants à ce camp fait savoir que les enseignements qui portent sur la communication non violente qu'ils ont appris leur permettront de contribuer à la consolidation de la paix. Ici, dans ce camp national, nous avons essayé de voir ensemble la résolution pacifique des conflits. Alors, dans la communauté où nous sommes, vous voyez, actuellement, nous sommes en l'an 2018. Bientôt, nous entamons la période électorale. Nous allons essayer d'enseigner les jeunes comment ils peuvent se comporter avant les élections, pendant les élections et après les élections. Alors, nous allons essayer d'enseigner à nos jeunes comment ils peuvent se communiquer entre eux sans violer quelqu'un, sans violer quelqu'une, comme nous aussi, nous les avons appris là-bas dans ce camp national. Ce camp national a débuté le 3 septembre et se clôture ce vendredi 7 septembre 2018. Processus Shingiro, parlons toujours jeunesse. Les jeunes devraient avoir un comportement sexuel responsable pour une bonne santé de la reproduction. C'est un conseil donné par la directrice exécutive de l'Association burundaise pour le bien-être familial dans un atelier de dialogue national sur l'éducation pour un comportement sexuel responsable chez les adolescents et les jeunes. Ce jeudi, Donavine Ouimana dit que l'ONG Abobef s'engage à dialoguer avec d'autres acteurs pour adopter la politique pour la promotion de la santé reproductive chez les jeunes. Suivez-la. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler de la santé de la reproduction en général. Nous nous sommes focalisés sur le programme d'éducation des jeunes pour un comportement sexuel et reproductif responsable, ce qui signifie de donner aux jeunes les informations nécessaires et basées sur des preuves par rapport à leur bien-être et par rapport à leurs responsabilités, et pour aussi leur donner les moyens de faire des choix responsables en matière de santé de la reproduction. La contribution de la BOBEF aujourd'hui est de disséminer ses engagements auprès d'autres organisations de la société civile, mais aussi d'engager un dialogue entre les jeunes, les organisations et les décideurs pour faire le suivi de la mise en œuvre de ces engagements, mais aussi pour essayer de promouvoir le suivi, l'évaluation et voir l'état d'avancement de ces engagements. Donc nous nous sommes focalisés sur la dissémination de ces engagements et sur le dialogue pour aussi nous rendre compte des besoins des jeunes, parce que comme nous l'avons vu, ces engagements ont été pris en 2013, actuellement on est en 2018, et il y a probablement des nouveaux défis qui sont apparus, qui doivent être communiqués aux décideurs pour que les politiques soient aux besoins adaptés. Éducation à présent, trois jours de la rentrée scolaire 2018-2019. Les écoles publiques et privées de la mairie de Bujumbura se disent prêtes à accueillir les élèves. Les directeurs des écoles privées indiquent qu'ils ont dû contacter des crédits auprès des banques pour bien s'y préparer et pour compenser le vide des frais d'inscription supprimés récemment par le ministère de l'Éducation. Reportage est signé Richard Kugarukira. Aux différentes écoles où nous nous sommes rendus en mairie de Bujumbura, les préparatifs pour la rentrée scolaire allaient bon train. Au lycée municipal de Gihosha, nous avons trouvé les enseignants et les plantons qui étaient en train de faire le grand nettoyage, notamment dans les salles des professeurs. La directrice de cette école, Thérèse Segahungu, indique qu'ils se sont préparés en cause et en conséquence depuis le mois dernier et qu'ils ont déjà confectionné les listes des élèves et qu'ils n'attendent que le lundi pour démarrer les activités scolaires sans aucun problème. À l'ISP, une école privée, Jean-Pierre Ndagijimana, le directeur de cette école, nous a fait savoir qu'ils sont prêts pour cette rentrée scolaire car, dit-il, ils ont remplacé le matériel endommagé. Oui, on se prépare bien, nous sommes en train de préparer les bancs, par les fenêtres qui sont cassées. Nous sommes en train de tout faire pour que nous puissions accueillir les élèves bien. Normalement, comme le ministre a déjà dit, les inscriptions sont gratuites. Même celui qui, a déjà payé l'inscription remet son argent. L'ISP poursuit avec les inscriptions des élèves au 4e cycle de l'enseignement fondamental, un cycle récemment supprimé par le ministre de l'Éducation à cette école. À l'Ekofo Muyaga, où nous nous sommes rendus également, les préparatifs pour cette rentrée scolaire étaient en cours. Le directeur de cette école, Didas Terimbele, nous a dit qu'ils ont dû faire recours aux banques pour compenser les frais d'inscription aujourd'hui gratuites. Si les inscriptions n'existent pas, comment l'école va fonctionner? C'est-à-dire, quant à nous, les frais du Minerval ou bien les frais d'inscription, nous les acheminons sur les comptes que nous avons ouverts dans les banques. Cette fois-ci, alors, nous nous dirigeons sur ces banques pour demander les crédits ou bien les découvertes parce que les frais du Minerval ou bien d'autres frais que nous demandons aux parents ou aux élèves passent sur les comptes que nous avons ouverts. Signalons que l'Ekofo Muyaga ne fait pas partie des écoles qui ont été fermées comme on l'avait annoncé dans l'édition spéciale du 30 août. Isanganiro. Quelques nouvelles des provinces. La commune Diansoro est l'une des 11 communes qui composent la province de Gitega et n'a aucun marché jusqu'à présent, ce qui est une des raisons de la faiblesse de ses recettes. Comme l'indique l'administrateur communal, Madame Ndaisenga Segonde, toutefois, il y a de l'espoir que la dite commune soit dotée d'un marché moderne d'ici peu. Correspondance signée Jirani Bikira. L'administrateur de la commune Diansoro, Madame Ndaisenga Segonde, fait savoir qu'elle est satisfaite d'un projet à court terme de construction d'un marché moderne dans sa commune. Selon cette autorité administrative, l'inexistence d'un marché dans sa commune est l'une des causes majeures des faibles recettes de sa commune. Dans les années 2008, les recettes mensuelles de la commune Diansoro étaient de l'ordre de 700 000 francs par mois. Et maintenant que les recettes ont augmenté, la commune fait entrer dans ses caisses autour de 4 000 par mois, indique l'administrateur de Diansoro et explique l'inexistence d'un marché dans sa commune en parlant d'un fait du passé lié à une divergence sur le site d'implantation d'un marché. Certains gens de Diansoro voulaient que le marché soit implanté dans la zone Mawa, tandis que d'autres voulaient qu'il soit construit dans la zone Gweza. À propos, l'administrateur Ndaisenga Segonde précise qu'actuellement, tout le monde converge sur la zone de Kavumu, colline Mahonda comme site de construction d'un marché moderne. Elle émet son espoir que la construction de ce marché rehaussera les recettes communales. Elle remercie alors vivement le projet de développement local pour l'emploi PDLE qui va financer les travaux de construction. Ce projet PDLE va aussi réaliser des projets de construction des infrastructures variées dans 9 communes des différentes provinces du pays. Cela a été précisé dans un atelier de 2 jours organisé par le projet PDLE à Gitega de mercredi à ce jeudi pour valider les études d'impact environnemental et social lors de la réalisation de ces projets. Depuis Gitega, Jérani Ligira pour la radio Isanganiro. De Gitega, rendons-nous en Ngozi où grogne des caféculteurs ayant vendu leur récolte à la Sogestal Ngozi est toujours d'actualité. Ces derniers déplorent le rendez-vous raté des responsables de cette société qui avaient rassuré que le paiement de leur argent prendrait fin avec le mois d'août passé. C'est au moment où les sociétés, d'autres sociétés privées ont déjà terminé le deuxième paiement. Ces caféculteurs disent avoir du pain sur la planche, envoyer leurs enfants à l'école et les détails avec Apollinaire Moutakara. Certains chefs de station de lavage de café des différentes communes de Ngozi affirment qu'ils ne se présentent plus à leur service de peur d'être assaillis par les caféiculteurs fâchés. Certains de ces derniers, comme ceux de la commune Mumba, ont déjà manifesté leur mécontentement en siégeant dernièrement devant les bureaux de la Sogestal Ngozi. Ces caféiculteurs déplorent le fait que cette société n'a pas honoré la promesse faite de leur payer avant la fin du mois d'août afin de se préparer à la rentrée scolaire et à la saison culturelle à 2019 qui s'annonce. En conséquence, ces clients clients de la société Ngozi commencent à vendre leurs reçus à 350 ou 400 francs boule au kilo, normalement vendus à 500 francs. Pourtant, les autres sociétés opérant dans le secteur café, comme la Bogestar et Greenco, ont même déjà terminé le deuxième PM. La Fédération des cafetiers de Ngozi, Ngoriangukize, indique que la société Ngozi a seulement payé une seule station, à savoir au Kurazo en commune Mumba, sur les 20 qui sont à sa disposition. Elle dit ne pas être informée du calendrier d'OP comme dans les années intérieures, donc elle n'est pas au courant si le paiement va continuer. Donc aussi, Apollinaire Muzagala, Radio Sanganil. Merci Apollinaire Muzagala. Je vous le disais en titre, la police a effectué une rafle des machines à coudre sur l'avenue de la Mission au centre-ville de Bujumbura. Les tailleurs disent ne pas savoir la raison de cette rafle car ils se sont acquittés des taxes exigées par la mairie. Ils indiquent qu'ils étaient en train de coudre les uniformes des élèves à la veille de la rentrée scolaire et que la saisie de leurs machines va créer des mésententes avec leurs clients et que la survie de leur famille dépendait de leur travail. Contacté à ce sujet, Dolilaho Bonfort, commissaire municipal, fait savoir que cette rafle s'inscrit dans l'initiative de la ville propre. Charles de Makoto, reportage. Un des tailleurs est mis devant des magasins d'habillement situés à l'avenue de la Mission au centre-ville de Bujumbura, assis devant la partie d'une machine qui porte les pédales. La tête de la machine à coudre a été saisie par la police. Il dit ignorer la raison de cette saisie de sa machine. Nous payons la mairie pour l'espace occupé, explique-t-il. Ce qui m'a surpris, la mairie nous a demandé la quittance, nous avons payé. Nous ne sommes pas des commerçants ambulants, nous avons une adresse. Ils ne nous ont pas dit de déménager, enfin de nous accorder sur ce qu'il faut faire. Nous les avons vus prendre nos machines. Tenez, on était en train de coudre pour les élèves. Maintenant, cela crée un conflit entre nous et les enfants. Ce que nous demandons, si c'est le gouvernement, qu'il nous dise ce qu'il veut qu'on s'exécute, qu'on laisse de prendre notre matériel par force. Cette femme, elle aussi tailleur, qui impuissamment s'est vue intimer l'ordre de mettre en signe sur sa machine avant d'être embarquée dans une camionnette de la police, s'indigne du précédent vu qu'ils avaient des commandes en cours pour les uniformes scolaires. Elle demande qu'on leur restitue leur machine et engager un dialogue. Ce que je sais, j'ai la quittance, mais on ne me l'a pas demandé. Je demande donc qu'on nous remette notre matériel, qu'on se mette d'accord sur ce qu'ils veulent qu'on fasse et en toute transparence. Nous ignorons ce dont on nous accuse. Le commissaire municipal, Bonfort Ndolelaho, nous a indiqué que cette rafle a été effectuée dans la suite des activités visant à rendre la ville propre. Il affirme que 16 machines ont été saisies et conservées au bureau spécial de recherche Besser et qu'elles seront remises après paiement d'une amende administrative. Toutefois, il met en garde ses tailleurs de ne plus exercer ce travail devant ses magasins sous peine de s'exposer à des sanctions plus sévères. Les responsables des magasins qui n'ont pas voulu s'exprimer sur notre micro évoquent une perte énorme car les clients qui achètent les tissus dans ces magasins font coudre leurs habits à ces tailleurs. Radio Isanganiro, chronique environnement. Place à la chronique environnement et à pollution des eaux du lac Tanganyika, surtout l'embouchure. Gaston Sabdimana, expert en environnement et enseignant d'université, dit que la situation va s'aggravant, en l'occurrence du côté de la capitale Bujumbura. Les activités philanthropiques qui sont réalisées en amont sont à l'origine de cette pollution, selon l'expert qui appelle les uns et les autres à protéger le lac, car c'est pour leur intérêt. La chronique environnement de ce vendredi est signée Léon Sévitalio. La qualité des eaux du lac Tanganyika se détériore au jour le jour. Une situation qui s'observe à différents niveaux selon l'expert environnementaliste Gaston Savzimana. La pollution évolue vers l'intérieur du lac à des distances différentes. J'ai dirigé un mémoire là-dessus, donc sur l'évaluation de la pollution dans le lac Tanganyika, dans la zone littorale. Ce qui a été observé, c'est que la pollution évolue vers l'intérieur du lac, mais il y a une distance à laquelle où la situation baisse, c'est-à-dire il y a une distance à partir de laquelle on observe une diminution de la pollution suite à la dispersion de la pollution. Nous avons mené cette étude à différents niveaux, d'abord à l'embouchure, à 50 mètres vers l'intérieur du lac et à 250 vers l'intérieur du lac. Et nous avons constaté que la situation est très alarmante au niveau de l'embouchure et à 50 mètres, mais au niveau de 250 mètres, c'est que la situation commence à baisser. Alors que les humains ont toujours besoin de l'eau en général, des eaux du lac Tanganyika pour ce cas d'espèce, c'est paradoxalement l'action de l'homme qui est à l'origine de la pollution. Ce sont nous-mêmes, d'abord les activités anthropiques. Je dis bien aussi au niveau du côté ville de Bujumbura, c'est-à-dire il y a des activités qui sont réalisées et c'est ça la cause principale. Je peux cibler les ménages, je peux cibler aussi les industries qui opèrent dans cette zone. Les différentes industries émettent des pollutions, des effluents chargés en pollutions différentes et les ménages aussi émettent une pollution non négligeable. Mais aussi en dehors de la ville de Bujumbura, il y a aussi une pollution qui est due à l'activité agronomique. L'environnementaliste Gaston Savzimana appelle à la responsabilité de tout un chacun pour la protection des eaux du lac. Tout ce qui manque encore dans le pays, selon lui, c'est ce qu'il appelle éducation environnementale. Il doit y avoir une éducation environnementale, ce qui manque ici au Burundi. Et dans un premier temps, il faut quand même faire une sensibilisation auprès des ménages, faire une sensibilisation auprès des industriels, donner une information en rapport avec les impacts environnementaux de leurs activités et aussi proposer des voies de solutions. Les situations changent selon les activités. Chez les industriels, il y a une manière de faire. Chez les ménages, il y a une manière de faire. Mais d'ores et déjà, il faut comprendre que pour protéger le lac Tanganyika, que ce soit dans la zone du côté de la ville, que ce soit en dehors du côté de la ville, il faut traiter la pollution à la source. Les eaux du lac Tanganyika sont à protéger, à en croire l'expert Gaston Savzimana. Elles ont une grande utilité pour le pays. Les habitants de la capitale Bujumbura et des environs utilisent ces eaux à plus de 80%. Mais également les écosystèmes se trouvant dans le lac, l'homme en a besoin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi à toutes et à tous.